Je ne suis pas à l'article. Alors, attends-toi quelque chose, là. Parce que ça se passe maintenant. Donc, j'y vais. Je ne suis pas à l'article de la mort. Et quel article? Est-ce que c'est le, la, l'apostrophe? Un, une des. Hey, arrête de montrer ton savoir-faire. On sait que t'es un être de grande culture. Ouais, mais ça, c'est minimaliste, là. Ça, c'est élémentaire avec ou sans Sherlock Holmes. Est-ce que je peux y aller? Vas-y, on t'écoute, mon petit chaton. Hey, je ne suis pas à l'article de la mort. Eh, non. On va la recommencer. On va la mettre plus exactement, plus intense, pour que vous puissiez vibrer au même diapason que nous. Que vous soyez membre ou non membre de CKRL, mais ce serait important de l'être. Je recommence. Je ne suis pas à l'article de la mort, mais de l'amour. Oh, oh, oh, oh! Aujourd'hui, le lundi 13 juillet 2020, monte le volume et hume la différence. Car c'est parti, mon kiki. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Excusez-moi, j'ai eu un petit ricanement interne qui, malheureusement, s'est propagé jusqu'à l'externe. Chose à ne pas faire lorsque nous sommes des professionnels hein, de la radio, de l'art contemporain, de la structure narrative et de tous les fléaux artistiques là, qui germent petit à petit. Puis hey, là, hey, il y a une multimédia! Là, je suis dépassé un peu avec la multimédia. Faut pas dire... Non! Attends, madame, soyez calme. Faut pas dire que... C'est pas de ma génération. Parce que je mentionne souvent, je suis de toutes les générations. Je m'y intéresse. J'aime bien ça la regarder, là. Hein? La version multimédia de ce qui se passe autour, là. C'est comme ça, on est dans le multimédia. Oh, on est dans le virtuel! Le virtuel! Ça se prend... Je regarde. J'aime bien ça. Mais je comprends pas. C'est comme l'anglais, moi. Comme disait Yvon Deschamps, l'anglais, je le parle bien, mais je le comprends pas. Alors, aujourd'hui, je suis en train de m'étouffer, madame. C'est pas virtuel, ça, là. Non, c'est pas... Ça serait... C'est physique. Très... Vous savez que je suis un gars très physique, madame. Ben oui. Ben oui, alors. On se le cachera pas, là. On est comme ça. Pardon. Ah non, j'y vais. J'annonce. Vous êtes pressés, vous? Attendez-vous un train pour quelque part. Un grand train bleu, un grand train blanc, un grand train noir. Je vous conseille pas de prendre le noir, hein, parce que j'ai pas dit le noir, j'ai dit le noir. Parce que celui-là, selon moi, là, c'est parce que je suis dans le monde de la création, ça ressemble plus à un tombeau. Fait que si vous voulez embarquer dans votre tombeau, c'est vous qui choisissez, là, hein. Pierre-Éliott Trudeau, lui, nous a donné une ouverture en disant les gens, pour les vieux qui m'écoutent depuis 800 quelques émissions, ils la connaissent, ce que je vais vous dire, là. Mais pour les autres, là, hein, vous savez pas ce que M. Trudeau, Pierre-Éliott Trudeau, pas l'autre, là, Pierre-Éliott, pas, non, l'autre, là, le papa. il a décriminalisé le suicide. Avant, lorsqu'on tentait de se suicider puis qu'on se ratait, on allait en justice. Puis on pouvait aller en prison. Au moins, Pierre Elliott, c'est la seule chose intéressante, selon moi, qu'il a proposé pour un avancement, pour une... C'est long, hein? Le silence à la radio, là, c'est cruel. Ça me fait penser à quelqu'un, le fils, qui s'est arrêté pendant je sais quoi, 32 secondes, madame, 34, vous l'avez compté, vous avez juste ça à faire, vous, mais parce que... Elle, sa force, c'est qu'elle tricote. Elle fait des mailles, hein? Fait qu'elle les compte, les mailles. Elle sait qu'elle fait 3 mailles à seconde. Puis là, quand il y a eu un arrêt, elle a continué à mailler. Elle a maillé, à mailler, à mailler, à mailler, à mailler tellement, là, qu'elle s'est dit qu'elle va finir son foulard avant qu'il se mette à parler. Ça va l'air compliqué à dire, hein? Son père était absent. Il n'y avait pas de ligne médiane entre Pierre Elliott et Justin. En même temps, mais c'est du même sens, c'est de la même vision. Il y en a un qui était plus ancré et l'autre plus désinvolte. Mais c'est comme... Non, non! Chaque enfant est différent. Hein, du papa. Le papa, là... Le papa et la maman, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des enfants. Pas nécessairement non plus. Là, vous êtes pas obligé. Si vous êtes en couple, là, vous n'en voulez pas. Je vous comprends. Puis si vous êtes en couple et vous en voulez, je vous comprends. Je comprends tout ça, moi. Moi, là, vous me dites bonjour. Je comprends que vous voulez me parler. Puis si je vous dis bonjour puis vous ne me répondez pas, ça ne me dérange pas non plus. J'ai fait mon travail. Dans mon lieu... Ah non, là, je suis parti, là. Mais dans mon lieu... Il ne faut pas partir de même. Ah non, parce que moi, j'ai pas de frein. Ah non, j'ai pas de cours de conduite, fait que je suis toujours dans l'accélérateur ne me modifie pas. Au contraire, on dirait que plus je parle, plus je presse. Et plus ça va vite. En parlant de ça va vite, m'en va vous quitter pour aller dans le ça va vite. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Ça va vite, rapidement, ça va rapidement. C'est synonyme. Vite, rapide. Je sais, vous saviez, là, mais des fois, la façon de prononcer... Ouais, vous êtes de souche, vous, hein? Ah, moi, je suis d'Écorce. Elle est de souche, je suis d'Écorce. Pas de Corse. Ah, ben, quoique, j'aime bien ça, moi, la petite jupette. Parce que ça intrigue bien des filles, ça, là. Y en as-tu mis, hein? Y a-tu quelque chose en dessous de ça? Ben oui. Y a deux belles familles prêtes à proposer des enfants. Ouais, mais est-ce que cette famille-là est recouverte? Eh bien, ouais. OK. Aujourd'hui... Non, mais on va le dire. Aujourd'hui, là, on est rendu quand, là? Ouais. Déjà? Ah, mon Dieu Seigneur. Hey, on a défoncé. On voulait pas faire ça de même. Mais, comme disait Lerita Mitsuko, c'est comme ça. Aujourd'hui, le lundi 13 juillet 2020, Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises. Hein? Est-ce que vous remarquez quand je dis gestionnaire, on glisse en dessous de la porte. Hein? Gestionnaire. C'est pas gestionnaire, c'est geste. On doit s'infiltrer partout. Errance rénaldienne est comme ça. C'est cohérent, elle veut rentrer dans tous les cœurs des citoyens, dans toute la tête aussi, dans notre capacité à saisir ce qu'on nous dit. On nous en dit, il y en a-tu des informations? On est trop. On est trop. Ben là, on est de moins en moins. Hein? OK. Alors, non, mais je suis en train de récapituler ce que j'ai voulu dire. Vous aimez bien. Ouais, je sais. Vous aimez pas ça. Vous me l'avez écrit, hein, hier, là. Raymond, elle m'a dit. Tu fais ça, là! Ben, tu le feras. Ben, c'est sûr, je suis à ma tête. J'ai toujours fait à ma tête. Une fois, je l'ai pas. Hey, pour une fois dans ma vie, j'ai écouté un rabambin bibelle. Un rabambin bibelle, ça, c'est un fanfaron, là. Un gars qui s'imagine, tu sais, tout connaître, puis être dans la mesure de la démesure, saisir l'inconscient collectif et pouvoir s'épivarder là-dedans, puis tomber, glisser partout à travers toute son idiotie intellectuelle. Et puis, il m'a dit, « Moi, je travaille pour toi. » Là, au chaud, ça fait quoi, 27 ans, 28 ans que, hein, que tu travailles là, dans un dépanneur, dans une épicerie de ouais, c'est ça, au coin de la 4 puis de la 3. Lâche-moi ça, puis là, ben, j'ai dit, t'as peu, je lâcherai pas, là. L'histoire veut que ça a été capoté à terre. On m'a relocalisé, j'aime ça le mot, relocalisé sur Saint-Paul pour la même compagnie. Et c'est là qu'on est venu me chercher. En me disant, ah, ben écoute, on le sait, là, il y a quelqu'un de ta famille qui nous a invités à t'appeler puis à venir avec nous travailler. Nous sommes une équipe tellement joyeuse et bellula la lulette, bellula la lulo, bellula la lulette, bellula la lulo. Jusqu'au jour où je me suis présenté, je dis OK, moi je fais confiance au grand Fagat. Le grand Fagat, tu sais, le grand Fagat, vous connaissez le grand Fagat. J'ai dit, oh oui, moi, OK, le grand Fagat m'a dit oui. Fait que c'est la première fois que j'écoutais une autre voix que la mienne interne. J'ai accepté. Ça n'a rien changé. 85 cents pour une pièce. 85 cents. 4 rondelles pour un euro. Quand même spécial. Là, on ne peut pas vivre ça deux fois dans la même vie. Et après, je me suis dit, Montréal, continue à écouter ta voix intérieure et laisse faire les fanfarons qui viendront court-circuiter. Court-circuiter, c'est quand même très précis. Court-circuiter ce que tu veux vraiment. Alors, aujourd'hui, le lundi 13 juillet 2020, non, je recommence parce que ça a été un peu entrecoupé. On a entendu des... Exactement. C'était pas clair. Comme toute l'émission, là. Ça. À partir là, de minuit 14, tout sera limpide, puisque nous aurons une dame extraordinaire. Alors, aujourd'hui, le lundi 13 juillet 2020, l'errance. Les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au sous-boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de la femme cinéma, de l'œil caméra, selon Vertov, hein, l'œil caméra, Stéphanie Gire. Stéphanie Gire, G-I-R-E-R-D. J'ai jamais demandé comment je devais prononcer ça. En tout cas, Stéphanie Girard, selon moi. Ben, c'est une femme extraordinaire que j'ai rencontrée il y a quelques années parce que son univers cinématographique communique avec le mien. C'est sûr qu'elle, elle est beaucoup plus chevronnée parce qu'elle travaille dans le milieu. Moi, je l'ai simplement étudié. Ben, pas Stéphanie, mais le 7e art. Donc, nous voilà maintenant avec elle pour une véritable rencontre jouissive. Parce que nous allons discourir de ce qui me plaît et ce qui m'a animé pendant toute mon enfance et jusqu'à maintenant, le 7e art. Alors, Stéphanie Girard, c'est à toi. Merci, mon ami. for me. I don't want no trouble, but trouble was looking for me. You may belong to him, but you're my natural one. What's done is done, but what's left ain't right. I said, oh, well, baby, I want you so bad. I said, oh, well, baby, I want you so bad. I said, oh, well, baby, I want you so bad. I said, oh, well, baby, I want you so bad. Dans la même, tu veux un cocktail dans la même ou plutôt de la bière? Oh non, pas de bière parce que je suis assez fatigué que ça va tomber dans. Non, non. Pas de, rien d'alcoolisé. Rien d'alcoolisé? Non. Un petit jus de fruits? Bonjour, Stéphanie. Ah, allô? Bonjour, oh, Stéphanie. Ça va? Oui, merci. Ouais. Comment ça va, Stéphanie? Non, mais ça va bien. Hey, t'es pile poil? Ouais. Pile poil? Ouais. Comme tout au cinéma? Soleil, hein? Comme une représentation au cinéma. Ouais. Ah oui, moi, oui. Hein. Ouais, c'est j'ai bien. Reçu quelques tomates. Ah oui. Non, parce que moi, je me place sur... normalement, c'est le Sancerre. Oui. Puis, dans cette direction-là, ouais. Le soleil tape. Et vraiment, oui. Ouais. J'ai comme... Là, t'es à l'ombre, c'est mieux. Oui, ben là, parce que le soleil s'en va tranquillement. Mais je me sens un peu comme quelqu'un qui a une chirurgie plastique. Mais t'es beau, ça oh, va. Oh. La beauté est à l'intérieur. Hein? Comme disait Saint-Exupéry. Sinon, c'est la galère ou... La galère d'homme. Ben, travailles-tu beaucoup? Je travaille beaucoup, mais pas forcément sur mes projets. Non, tu travailles pour la télé, là? Ouais, donc je travaille énormément. Là, tu me vois, je suis exsangue, là. Je sors d'une saison de 66 épisodes de 26 minutes. C'est fou. Ouais, et 6 mois avant, j'avais terminé la même série, la deuxième saison de 64 fois 26 minutes. Je ne veux pas te dire à quel point je rêve de vacances. Et là, c'est pour quand les vacances? Fin juillet? Fin juillet, ouais. Avec la famille? Ouais. Ah, ouais. On va faire un petit voyage au Québec. Oui? Ouais. Où? Je serai un peu partout. On va à Montréal voir les copains. OK. Et puis ensuite, on va leur montrer un petit peu le Québec. On va aller à Québec. Oh, on va aller. Tu me crois, on ira se serrer la main? Ouais, avec plaisir. Ah, okay, on est deux jours là-bas au moment des fêtes, là, début août. Les fêtes? Les fêtes de la vieille ville, là, je sais pas. Ah, la nouvelle France. Ouais, c'est ça. Ah, ça, c'est magnifique. Ouais, ben, c'est, on essaye. Tu peux te costumer, les gens sont costumés. Ah, tu connais l'histoire. Ouais. Ah. Donc voilà, après, on va aller le tour habituel. Hein. Avant, on sera passé un petit peu par la Mauricie, mais vraiment pas longtemps. Ah, mais tu connais, hein? Ouais, moi, je connais bien. Ouais. Mais on a envie de montrer aux enfants. Après, on va aller à Tadoussac, évidemment, au lac Saint-Jean, et après, on revient. Mais Tadoussac, c'est aujourd'hui, là. Il y a des chanteurs qui seront là, des chanteuses. Ouais, c'est bien. Et puis après, on repasse par Montréal à ce moment-là. Et puis ensuite, on a une très bonne amie à moi dont la fille se marie au lac du Cerf dans les Hautes-Laurentides. Oh. Et donc, on va aller camper par là-bas pour fêter ce beau mariage. Est-ce que vous faites, c'est que vous louez une voiture? Oui. Oh, les premiers jours, on est à Montréal, on n'a pas de voiture. Et puis mais après, non, on non, loue. Parce que Montréal, les voitures, c'est comme non, c'est pas peine. Ouais, ouais. Mais c'est encore plus cinglé ici. Là. Ouais. Ouais. Sinon, tu travailles beaucoup. Heureusement que tu as eu ce contrat-là pour la télé. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais en fait, si tu veux... Ça fait combien de temps que c'est pas vu? 2 ou 3 ans, je sais plus. 3 ans. Ouais. 3 ans, oui. Alors, écoute... Le film ouais, était terminé. Oui, mon film terminé de ouais, circuler. Les gens l'avaient vu. Ouais. Même en Afrique, ils l'avaient vu. Oui, oui, oui. on avait parlé aussi de l'effet de se voir sur l'écran quand on ne connaît pas l'effet que ça peut donner. Un peu comme dans, au début du cinéma, tout le monde devenait un peu cinglé parce que l'image était en mouvement. Mais on ne peut pas, aujourd'hui, en 2019, s'imaginer qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu de films ou d'images en mouvement. Mm. On ne peut pas s'imaginer, mais il y en a beaucoup. Oui, il y en a encore, en tout cas. Il y en a encore, bien sûr. Même beaucoup pour le... En Afrique, dans les pays, en tout cas d'Afrique francophone que je connais, il y a quand même pas mal de cinéma ambulant aussi, tu sais. Donc ça, les gens quand même commencent à avoir l'habitude. Tu vois, l'écran est un drap et puis tout le village vient voir. Ça marche bien. Et la personne amène son projecteur, les bobines, et on fait... C'est des films... C'est des associations, tu vois, locales. Et ça marche bien. Ben oui, du cinéma plein air. Ouais. Hein? Nous, c'est mort un peu. On appelait ça les cinéparcs. Il y en a de moins en moins. Comme si la télévision avait pris malheureusement partie de cette... C'était intéressant d'avoir un film en plein air. Il y a 30 ans, dans les grandes villes africaines, au Sénégal ou au Cameroun, il y avait encore ce que tu appelles des cinéparcs. Et ils ont été transformés en autre chose. Puis voilà, quoi. Mais comment vous appelez ça, un cinéparc? Un drive-in. Ah oui, ok. Alors moi, je vais bien un grand verre d'eau et après, je vais regarder ton âge. Ah, mais je crois que je vais prendre un coca. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, mais. Un coca zéro. Un coca et un coca zéro avec un verre d'eau. Ouais. OK. Et donc? Et donc, alors, écoute, après, dans la foulée là, de ce film qui avait un petit peu circulé, j'ai eu une aide automatique du CNC pour écrire un autre long métrage que j'ai écrit, qui a failli se faire très vite. En 3D, au Maroc, etc. Ouais. On était partis là-dessus, puis malheureusement, la boîte a fait faillite parce qu'en fait, finalement, en France, ça n'a pas pris la 3D. Ben, surtout pour avoir des idées aussi extravagantes, c'est plus cher. En 3D, c'est quand même quelque chose. Ben, tu sais, en France, souvent, il vaut mieux pas être trop humble. Si ton film... Soit il faut que ton film, il coûte vraiment rien, hein, quasiment rien. Soit, et dans ce cas, tu le fais toi-même. Soit, il vaut mieux qu'il coûte cher, t'es plus crédible. Parce que tu vois, en France, on est dans un système, je pense qu'il n'y a pas qu'ici, hein, mais où l'argent appelle l'argent. Et voilà. Et donc, tu as un investisseur qui met des sous, tous les autres, ils vont vouloir mettre des sous au même endroit. Ils veulent en recevoir, ils veulent que ça rapporte. Du coup, ils ne veulent pas de l'argent pour le perdre. Donc, ils se disent, plus ça coûte cher, plus ça va rapporter des sous. Enfin, ça veut dire que c'est un gros film, potentiellement grand public, etc., tu vois. Mais, donc voilà. Donc, finalement, il ne s'est pas fait tout de suite. Hein. J'ai toujours dans les... Mais c'est jamais perdu, non? Non, il est... Voilà. Je me rends compte, en fait, qu'il est très difficile à financer hors idée extraordinaire comme ça. Okay. C'est pas les films qu'on fait en ce moment en France. Mais tu voyais ton film en 3D, ou si c'est tout? Qui... Alors moi, en fait, si tu veux, quand j'avais fait mon premier court-métrage au Québec, à Montréal, j'avais été voir un film en IMAX. Okay. Et qui était un film réalisé par un Français, Jean-Jacques Haneau. Tout le monde a vu. Voilà. La main aussi. Ouais. Même que Durance le renier, parce que c'était pas vraiment son idée de cinéma. Ouais. Mais en tout cas, si tu veux, ce qui m'avait frappé, c'est que ça m'impressionnait plus pour les scènes intimistes que pour les scènes grand public. Et je m'étais dit, en fait, il faut faire un film d'auteur en 3D. Et ça pourrait être le premier film 3D auteur. Et donc voilà, donc du coup, on était partis là-dessus il y a 3 ans et plein de gens embarquaient, ça avait l'air super. Et puis bon, finalement, la boîte qui devait coproduire, qui faisait la 3D, a fait faillite. Oui, mais moi qui ai eu une formation en cinéma, j'en ai jamais eu en 3D. Donc toi, est-ce que tu sais manipuler 3D? Ah ça, c'est des grosses équipes, hein, là pour le coup. Oui, enfin tu vois, du coup, on avait travaillé là-dessus. C'est pas les mêmes équipes que pour un film traditionnel. Mais en même temps, c'est complètement fou. Je ne verrai jamais un film d'Éric Rohmer en 3D. On dirait que ça brise... Non, en vrai, je pense pas, moi. Moi, je pense que ça rend les choses encore plus prégnantes et plus concernantes. Crois-tu que c'est aussi fort que le noir et blanc à la couleur? Oui, c'est quelque chose comme ça, oui. Ouais. C'est quelque chose dont il faut se servir, en fait. Tu vois, il ne faut pas juste dire, on fait le même film. Mais on n'en fait pas tant que ça, des films en 3D, à cause du fait que c'est très, très, très, très cher. C'est très cher, ça prend énormément de temps. Oui, mais je pense aussi quand même que c'est un a priori de temps. Tu peux dire pour la mise en scène, pour la mise en place des caméras? Au tournage et après, en traitement des images, en montage. Il faut aussi des monteurs qui savent monter en 3D. Oui, c'est ça, mais il n'y en a pas tant que ça. Non, mais c'est pour ça qu'il fallait que je passe par une société qui connaissait ça par cœur. Elle avait fait, en fait, elle avait assuré la 3D sur les films de Jacques Perrin, tu sais, avec les oies qui volent et tout ça. Tu vois, donc ils étaient d'équerre, ils avaient les équipes, tout allait bien. Bon, malheureusement, pour l'instant, ça ne se fait pas ni en 2D ni en 3D. Du coup, comme j'écrivais en parallèle pour la télé, j'avais plusieurs choses en développement. J'ai co-écrit des petits épisodes de séries, tu vois, genre section de recherche sur TF1, tout ça. Et en même temps, je suis allée faire une formation à l'INA, mais qui s'est avéré plus une validation des acquis pour être productrice artistique, showrunner, en français dans le texte, tu vois. Et ça, en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, ayant beaucoup écrit pour la télé, été directrice de collection, ayant réalisé un long-métrage, ayant suivi beaucoup de post-production, mes courts-métrages, mon long-métrage et tout ça, bah, je pouvais le faire. C'est-à-dire que si je vais sur un tournage, j'ai été première assistante, je suis réalisée. Enfin, tu vois, je peux parler aux gens, en tout cas. Je ne vais pas faire à leur place. Mais tu connais au moins de ce que tu parles. Tu peux savoir ce que tu parles. Je peux aussi avoir des attentes. Enfin, je sais ce qui est possible. S'ils me répondent que ce n'est pas possible, bah, on pourra discuter. Oui. Voilà. Mais surtout, je peux comprendre si mes attentes sont disproportionnées ou pas. Donc voilà, je me suis sentie compétente pour faire ça. Alors au départ, quand tu fais ça, c'est plutôt pour les séries que tu as dans la tête, toi, que tu veux showrunner ta propre série. Bon, la vie, c'est pas comme ça. Jamais. Et finalement, en fait, on m'a appelée pour le faire sur une série de daytime pour TF1, donc qui passe le matin à 9h30-10h. Des petits 26 minutes bouclés. Sur lesquels. C'est pour placer les publicités, pour faire 30 minutes. Ouais. Et donc, en fait, comme c'était une série que je connaissais très bien, parce que j'avais été directrice de collection dessus sur plein de saisons, toutes les saisons quasiment, je me suis dit, c'est bien aussi comme première expérience, tu vois, de faire ses armes sur quelque chose que tu maîtrises déjà, plutôt que sur quelque chose que tu dois mettre en place, voire sur quelque chose où tu prends la relève de quelqu'un, et que tu connais pas hyper bien, quoi. It's a quiet day. Just a quiet day. Still and peaceful. It's a quiet day. Gotta make you wonder. Beautiful day. Oh, that's a beautiful day. Sun pouring down, blue sky all around. Got to make you wonder. Oh, a plan being made. It's a beautiful world. Just a beautiful, beautiful world. A beautiful view. To make you wonder, oh, what plans being made? Thank you. going down on a beautiful world. Just a beautiful sunset. Or is it a blood red sky? Got to make you wonder how a plan be made. Got to make you wonder how a plan be made. Got to make you wonder how a plan's being made. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai fait cette, la saison 2 des Petits Secrets en Famille, 64 fois 26 minutes. Ah oui, c'est un gros rythme. C'est un gros rythme. C'est 7 mois de travail non-stop. Mais c'est 56 minutes, c'est combien de travail? C'est combien de temps de travail? 56 minutes? Non, 26. Ouais, 26 minutes. 26 minutes. Ben, en fait, si tu veux, du coup, tout est mutualisé. OK. Donc, si tu okay, veux... OK, c'est rassemblé. Ouais. Ouais. Mais si tu prends un épisode, ouais, juste un épisode... On va dire que tu as une semaine de travail sur le synopsis. Après, tu as 3 semaines d'écriture, juste sur séquencier V1, V2, une semaine par étape. Okay. Et ensuite, tu as 2 jours pour faire une VDF. Une demi-journée pour faire une version de tournage. Ça se prépare en 2 jours, ça se tourne en 2 jours, ça se monte en 2 jours et demi, 3 jours avec les modifs. Et en parallèle, on s'occupe aussi du casting. Et en fait, si tu veux, c'est des séries... Dans chaque épisode, il y a 4 nouveaux personnages. C'est des bouclés. C'est une histoire différente. Et du coup, la directrice de casting, elle doit nous montrer tous les jours, pour qu'on ait le choix, 16 comédiens, 4 par rôle. Il faut vraiment diviser ça dans notre tête. C'est ça. C'est complètement singulier. Tu arrives chez toi, tu dois avoir un mal de... Non, parce qu'en fait, moi, ce qui est plus facile pour moi par rapport à d'autres personnes, ouais, sans doute... sur la série, c'est que comme je suis là dès le départ, les synopsis, je les vois, connais, je les retravaille. Déjà, oui, du coup, le les histoires, je les ai. OK. Enfin, tu vois. Ah oui. Et je sais quelle est la promesse de l'épisode qu'il ne faut pas lâcher. Voilà. Alors, tu n'es jamais surprise parce que tu connais tous les segments de... J'ai pas le temps d'aller sur les tournages. Donc, des fois, je suis surprise en bien ou en mal. Plus souvent en bien quand même, heureusement. Oui, par les idées des réalisateurs ou par la façon dont les comédiens... tellement bien compris leur personnage que du coup tout passe, tu vois, toute l'histoire. Et ça devient magique à un moment donné. Ouais. Parce que tout le travail s'est concrétisé. Oui, là, c'est ça. Il y a vraiment des épisodes qui sont exactement la promesse qu'on a vendue à la chaîne au départ. C'est de là tu vois. À là. Ouais, ouais. Vraiment, ça n'a pas. Bon, après, c'est sûr, on travaille super vite, ça ne peut pas être les 66 épisodes. Enfin voilà, donc j'ai fait 64 épisodes l'année dernière. Et j'ai refait 66 épisodes. Là, je suis dans ma... Tu me cueilles dans ma dernière semaine. Est-ce qu'après ça, c'est sans doute un projet de... Ben, des émissions qui sont sorties en DVD à un moment donné. Est-ce qu'ils vont balancer ça? Ils vont lancer ça en DVD? Quand c'est pour la télé, normalement, non. Hein, c'est non. Pour, en fait, ça reste en replay maintenant. En français, toujours. Hein? Oui. Quel martyr. Oui. Et non, donc ça reste en replay, mais c'est très rediffusé aussi, parce que c'est facile en à rediffuser. Ouais. Enfin, diffusion. Oui. Parce que c'est des histoires indépendantes les unes des autres, la chaîne n'est pas tributaire de l'ordre de diffusion, oui. Tu vois. C'est pas feuilletonnant. Donc. Mais en même temps, tu n'es pas obligé d'avoir vu le premier pour apprécier le quatrième. Pas du tout. Mais toi, est-ce que c'est beaucoup de travail de recherche, hein? Oui. Alors, de recherche, recruter les équipes, oui. Tu vois, on travaille avec une 30aine d'auteurs. Moi, pour que la chaîne accepte 66 épisodes, il faut que je lui en présente à peu près 120-130. Okay. Parce qu'elle ne va pas tout prendre. C'est normal, même si on cible et voilà. Donc, c'est plus du travail de recherche dans ce sens-là, c'est-à-dire des bonnes personnes qui vont bien comprendre, qui vont bien comprendre la série, c'est-à-dire l'esprit, l'état d'esprit qu'on recherche, et après qui vont intégrer les contraintes, qui vont être capables de travailler vite. Oui, ça fait beaucoup, c'est tu vois. Ça, donc c'est surtout, pour moi en tout cas, c'est surtout du travail de recrutement et après d'arriver à me faire comprendre Mais et comme... à échanger avec les gens. Mais comme c'est la deuxième saison là, que tu as fait là, donc les gens l'ont déjà vu la première, oui, ils savent c'est un ça. Peu à quoi s'en donc ça va plus vite, ça se met en place pour la couvent, puis le rouage est quand même assez, assez plus vite. Oui, tout à fait. La première saison, ça devait être plus compliqué, parce que là, tout se faisait là. Oui, et puis ils ne me connaissaient pas forcément, parce que moi, je connaissais série, parce que quand tu es directrice de collection, tu as affaire à 3-4 personnes dans l'équipe, mais pas à tout le monde. Donc là, c'est sûr que de ce point de vue-là, la deuxième saison, elle s'est beaucoup mieux passée, parce que là, on se connaissait. Voilà. C'était un peu plus facile, entre guillemets. C'est ça. Mais c'est autant de travail. Ah oui, c'est autant de travail. Est-ce qu'on parle d'en faire une troisième? Alors écoute, on devait avoir une réponse là au mois de juin, puis on part, on l'a pas. Donc je sais pas. Pour l'instant, je sais qu'on va être à l'antenne tout l'été. C'est bien. Ouais. Donc voilà, après, on verra. Voilà. C'est pas la même chose que de faire un film, parce que c'est tu dépends de beaucoup de personnes, un peu comme au cinéma, mais c'est pas vraiment ton projet. Non, c'est ça. Mais déjà, c'est une commande de la chaîne. Donc, même si c'est une proposition de la production, après, t'as quand même... t'as pas autant de liberté, évidemment. Enfin, cela dit, de toute façon, au cinéma, les diffuseurs aussi, hein, ils te calent. Ouais. Faut pas... Ils sont frileux aussi. Mais là, t'es plus clairement dans une relation à un client, quoi, voilà. Merci. Désolée. Et puis ton film, est-ce que c'est toujours autour de l'Afrique? Oui. Encore cette... Ouais. Je travaille toujours sur le thème des gens qui ont une idée de l'étranger ou qui ont un souvenir de l'étranger, qui pensent avoir vécu des choses et qui ont envie d'y retourner pour voir. Et voilà, se confronter entre le fantasme et le souvenir et la réalité. Oui, c'est encore là-dessus. C'est quelqu'un qui a vécu dans sa jeunesse au Maroc et à un moment donné, il y a un accident de la vie, on va dire, en France. Et elle se dit, tu sais comme on se dit en vrai, c'est le moment de faire ce que j'ai vraiment envie de faire. De changer. Ouais, et donc, en fait, on se rend compte que ce qu'elle a vraiment envie de faire, c'est de retourner au Maroc où elle a été très heureuse. Elle croit que le bonheur se trouve là. Ouais. Son bonheur est... Et ça va pas être si simple, évidemment. Non, non. Et c'est surtout assez utopique, hein. On s'imagine que... C'est mieux ailleurs, parce qu'on se trimballe avec nous, avec nos problèmes. C'est, c'est peut-être nous le problème. C'est sûr. Que tu sois au Maroc ou au Népal, tu restes. Oui, et puis il y a quand même tellement de choses. Enfin, toi, tu n'y es pas allé pendant, on va dire, 30 ans au Maroc. Le Maroc, il a changé. Ah oui, changé, oui. Et tu ne vas pas retrouver les mêmes gens à la même place. C'est juste ça. Et ça, c'est des choses qu'on a du mal à s'imaginer avant. Enfin, tu as des gens qui disent, du coup, je ne veux pas être déçu, je n'y retourne pas. Tu peux rester avec mes images. Ouais, mais moi je trouve ça intéressant d'aller se confronter et de voir ce que ça donne. Enfin, c'est vrai. Tu vois, voilà, donc je reste sur ce thème-là du voyage qui te renvoie quelque chose. Est-ce que tu veux faire appel aux mêmes protagonistes, aux mêmes acteurs Non. Ok, t'as pas des acteurs fétiches comme certains réalisateurs. Bon, pourquoi pas, mais en fait, là, en l'occurrence, les âges sont pas les mêmes. Donc, ok. L'âge... Avais-tu déjà commencé à repérer? Oui. C'était fait, c'était bouclé. Bouclé, cas, non, mais c'était bien avancé. J'avais un beau dossier artistique. Les comédiens. Ouais, enfin, on avait des. Tu sais, c'est toujours pareil, tant que t'as pas les dates, t'as des accords de principe. Oh, oui. Ça peut changer. Mais enfin, voilà, on savait à peu près où on allait, plutôt bien même. Et puis là, mais tu as mis ça en veilleuse, mais pour mieux le reprendre plus tard. Ouais, bien sûr. T'es pas pressé, peut-être toi. En tout cas, c'est pas un projet qui vieillit, quoi, du coup. Ok, non. C'est une histoire universelle. Ouais, exactement, de la vie, Mais qu'est-ce qui t'a amené à parler du sujet-là, de ce sujet-là? Je vais te dire, c'est très concret. En fait, quand je faisais des courts-métrages, je travaillais beaucoup avec le laboratoire Telsipro. Oui. Et une des commerciales de Telsipro s'appelle Annick Joff. C'était quelqu'un que j'aime beaucoup. Okay. Et je me souviens qu'une fois, j'avais un court-métrage en post-production chez eux. Et on avait déjeuné ensemble avec Annick. Et Annick, elle était comme ça, dans un truc de se dire, dès que je peux, dès que je prends ma retraite, je file au Maroc. Et elle l'a fait. Hein. Ok, elle est là actuellement. Depuis, elle y vit et tout. Mais en fait, ça a juste été après... Ça a juste été un point de départ, tu vois, où je me suis dit, c'est beau. Et j'avais mis ça aussi en relation avec un film de Guy Gilles, qui est un cinéaste français assez méconnu, mais que j'adore, moi. Il s'appelle Le Clair de Terre. Et comme ça, il y a un fils de pied noir qui est né en France, lui, et qui retourne, parce que ses parents lui ont tellement parlé de la vie là-bas. Et il retrouve des anciennes voisines de ses parents tu vois, qui était joué par Annie Girardot ou Edwige Feuillère, et qui, elles, sont restées là-bas. Enfin, les films de Guigette, c'est toujours empreint d'une grande nostalgie, d'une grande mélancolie. C'est un film des années 70 Ouais. Ouais, Le Clair de Terre, ouais, je pense. Le Clair de Terre, c'est un très beau titre. C'est magnifique. C'est, oui, effectivement. Ouais, c'est non, mais c'est un cinéaste à découvrir. Oui, oui, oui. Ouais. Mais il y a un coffret DVD qui est sorti. C'est un copain à moi. Enfin, on avait découvert ce cinéaste ensemble et du coup, il s'est occupé de la... Ils ont sorti un coffret? Ouais, un coffret avec DVD. Avec son œuvre. Ouais, bah, il y a des problèmes de droit toujours parce qu'il a fait... une grosse poignée de films. Est disponible dans ce coffret-là? Je pense que oui, ouais. Okay. Ouais, de souvenir, oui, de mémoire. Voilà. Et... Bah, tu vois, voilà, les deux trucs se sont rejoints, les deux idées se sont rejointes, et puis ça a mûri. Et puis à un moment donné, je me suis dit, allez... À quel moment ça déclenche? Bon, là, je vais prendre le crayon, là, j'ai tellement d'idées, je ne veux rien faire. Ça commence à structurer dans ma tête, mais pas sur le papier. Bah, après, faut trouver les bons personnages, tu vois. Donc après, moi, j'ai relié ça à une histoire... De jalousie mère-fille, tu vois, la fille, en fait, cette mère qui va décider de retourner au Maroc, c'est quelque chose dont la fille va se sentir exclue. Ben oui, parce qu'elle s'en va sans elle. C'est, oui, mais bon, enfin, en même temps, elle est adulte, tu vois. Ouais, mais c'est quand mais même, c'est quand même un sentiment d'abandon, ouais, tu vois, de la vie de ma mère. Enfin, ma mère a été plus heureuse ailleurs, enfin, tu vois, des choses comme ça, dont on n'a pas forcément conscience, mais voilà. Peut-être aussi que la fille va se poser des questions. Est-ce que c'est moi qui l'a fait modifier un peu? Ben, en tout cas, la fille se dit qu'il y a un truc qui s'est passé là-bas, et elle n'a pas tort, qui fait que sa mère s'en remet pas. Et c'est quelque chose de secret. C'est ouais, très, c'est ça. Elle sent qu'il y a un secret. C'est très, très tacite. Voilà, c'est-à-dire qu'officiellement, on dit « j'ai été tellement heureuse là-bas ». Officieusement, c'est autre chose. Et donc, voilà, du coup, il va y avoir Moi, j'ai essayé de travailler une bascule de point de vue, c'est-à-dire que dans la première moitié du film, on est avec la mère et du coup, on trouve la fille un peu désagréable et on est vraiment avec ce désir de la mère d'être vivante, tu vois, de recommencer sa vie et tout ça. Et dans la deuxième partie, en fait, on bascule dans la quête de la fille, de qu'est-ce que ma mère me cache. Ouais. Et ça remet les choses en perspective. Ça fait un peu une quête, une recherche de pourquoi. C'est ça, ouais. Et tu as écrit ça en combien de temps? Écoute, très éloigné dans le temps, tu vois, parce que là, quand je te parle de ce truc qui tilde dans ma tête entre le désir d'Annick, le film Le Clair de Terre, là, je note juste cinq lignes, tu vois, je note juste une femme dans une seconde partie de sa vie, tu vois, qui a envie de revenir dans un pays ensoleillé. Pourquoi? C'est bien précis, ça te laissait encore l'espace pour... Ouais. Après, plus tard, je me dis, bon, bah allez, là, maintenant, faut un peu que je développe. Tu vois, je commence à trouver les personnages. La mère, le père, la fille, qu'est-ce qui s'est passé, gna gna gna. Et puis, je relaisse encore mûrir, et puis à un moment donné, bah, je construis, vraiment. Je me dis, bah voilà, c'est là que je trouve l'idée des deux parties, de, tu vois, comment on passe de l'une à l'autre, etc. Et ça, là, c'était, à ce moment-là, j'en étais au stade du traitement. J'ai encore laissé reposer parce qu'à ce moment-là, je faisais mon premier film africain. Et après, quand grâce à la sortie d'Africaine, j'avais droit à l'aide automatique du CNC, je me dis, bah, banco, c'est ça qu'il faut que j'écrive. Et là, bah, tu t'y mets et en 6 mois, je dirais, tu vois, 2 fois 3 mois. Un premier jet en 3 mois, tu laisses reposer, tu fais lire. Puis hop, tu t'y remets 3 mois. C'est une des meilleures façons, parce que tu peux oublier, revenir et trouver peut-être les bévues, les petits problèmes. Oui, t'enrichis et puis aussi tu allèges. Je sais que quand j'y suis revenue, j'ai allégé les dialogues, aussi, moi, tu vois, voilà, je trouvais qu'il y avait des choses trop dites. Oui, voilà. Ben, parce que l'image raconte déjà quelque chose, pourquoi l'étouffer avec d'autres choses. Oui, mais enfin, souvent dans le premier jet, tu veux que tout le monde comprenne tout. Ouais. En fait, tu poses les choses et après tu te dis, bah, ça je vais plutôt le montrer, ça on va le dire effectivement, mais elle va plutôt le dire comme ça et du coup c'est un peu ambigu. Mais tu sais pas trop ce que ça veut dire. Garde le mystère aussi. Oui. Parce qu'en sortant d'un film, là, quand on se pose des questions, c'est bon. Quand tout est dévoilé, c'est du Spielberg, donc il n'y a plus rien à dire. C'est du beau spectacle, Spielberg. Ouais. Mais c'est pas, oui, c'est pas le même. C'est pas, non. C'est pas le même ressort. Quoi. Non, c'est ça. C'est un peu comme les films de Claude Sautet. Ils nous envahissent après, les personnages restent. Mais quand tu places... En fait, parce que dans les films de Claude Sautet, oui, c'est ça, c'est les interrogations, on ne sait jamais ce qu'on doit faire. Exactement. Est-ce qu'on prend la bonne décision ou pas? Et ça, tu le sais des années plus tard, si tu as pris la bonne décision. Est-ce que tu as bien fait de partir? Est-ce que tu as bien fait de rester? Et les personnages, ces personnages ont quelque chose de fort, c'est qu'ils vivent même en dehors de l'histoire. Oui, c'est vrai. On peut même les voir dans la rue. Là, on voit que c'est un personnage avec Claude Sautet. C'est très fort. Très fort. Mais à quel moment, quand tu écris des personnages, est-ce que l'âge arrive immédiatement ou tu sais pas encore l'âge des personnages? Non, tout de suite. Okay. Moi, en fait, comme j'aime bien écrire pour les femmes, j'aime bien... Tu vois, là, par exemple, je me suis dit, ce qui m'intéresse, c'est la femme juste avant 50 ans, c'est un tournant, et puis la femme juste avant 30 ans. C'est encore une jeune femme, tu vois. C'est des moments de choix, en fait. Enfin, c'est possible de faire des choix à tous les âges, heureusement. Oui. Mais tu vois, c'est quand même dans ta tête, ça travaille. C'est charnière. Ouais. Moi, à 29 ans et demi, je me suis tapé une bonne déprime. Hein. J'avais l'impression que j'avais fait plein de trucs dans ma vingtaine, mais j'avais l'impression que ma vie se répétait. Ta vie professionnelle ou ta vie sentimentale? Et je me suis dit... Tu sur place? Je faisais tout le temps la même chose, je faisais plein de trucs, mais tu vois, j'avançais pas. Et je me souviens, j'avais vu des petites filles dans la rue, et je m'étais dit, mais c'est horrible, c'était moi hier. Tu vois, d'un seul coup, j'avais une conscience du temps qui passe, alors que juste là, je m'étais toujours dit, t'as toute la vie. Ouais. Et ça me semblait immense, tu vois, éternel, quoi. Et là, j'avais pris, je sais pas pourquoi, à cet âge-là précisément, mais donc voilà, tu vois, du coup, je me dis, ce personnage-là, je peux l'écrire. Tu vois, ce personnage qui poursuivait depuis longtemps, qui était en veilleuse. Est-ce que tu as beaucoup de personnes comme ça dans ta tête qui restent là et qui vont surgir à un moment donné, soit à la télé ou au cinéma, sur la pellicule? Il y a des... Oui, c'est des petites 5 lignes comme ça que j'ai posées. Il y en a quelques-uns, mais après, qui pensent pas toujours, quoi, tu vois. Mais comme le film n'est pas réalisé, mais c'est pas grave, le scénario il est, ouais. Est-ce que tu vois une progression avec Africain ou ça n'a rien à voir? Bah, c'est différent. Africaine, c'était un film d'initiation, tu vois, donc c'était un voyage initiatique. Là, on est plus sur, sur un rapport à son propre passé. Ouais. Mais l'écriture, est-ce qu'il reste le même ou si tu as modifié le degré? Non, je vois que concrètement, j'aime bien les mêmes, c'est pas des effets, mais tu vois, les mêmes manières de faire. Ouais. C'est ta facture un peu, c'est ta signature. Je sais pas si on peut parler de ça, mais oui. Ouais, non, mais en tout cas, voilà, oui, c'est pas radicalement différent comme manière d'exprimer les choses. Moi, je préfère plonger les gens dans une ambiance, tu vois. Et par exemple, tu vois, à un moment donné, la mère emmène du coup sa fille là-bas en espérant que sa fille aura le même coup de foudre pour le pays qu'elle. Ce qui n'arrive pas du tout. Et du coup, mais en même temps, la mère, elle est un peu violente, tu vois, parce qu'elle te la balance là-dedans. Ouais, elle veut la forcer un peu. Tu vois. Elle lui impose quelque chose. Et voilà, et ça, tu vois, c'est pas des choses qui sont dites, c'est non. Que... En fait, c'est tacite, c'est... Oui. Mais en même temps, c'est comme si tu veux montrer une toile à quelqu'un, tu dis, regarde, c'est beau, tu l'oublies presque. Oh, mais tu comprends pas, tu vois pas. Les gens vont pas regarder les choses avec ton regard à toi. Non, parce qu'ils ont leur bagage, leur sensibilité. Et c'est ça qui est beau. Oui, mais... On peut tous faire la même chose, mais ça sera chaque fois une chose différente. C'est ça qui est frustrant. Que le regard n'est pas le même pour tout le monde. Oui. Bah, oui, tu vois, dans le cadre là, comme ça, d'un rapport filial, quand tu veux transmettre quelque chose à ton enfant et qu'il y est totalement réfractaire ou que tu t'y prends comme un pied et que ça le rend réfractaire, ouais. Tu vois, c'est frustrant. Ouais. Et puis ça crée de la distance entre les gens. Et puis, c'est de la peine. Là. Mais comme tu parlais de le faire en 3D, mais en tout cas, tu avais eu une invitation en 3D, est-ce qu'il peut se faire avec la pellicule traditionnelle 35 mm? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, il peut. C'est juste que moi, après, je vais pas filmer de la même façon. OK. Parce qu'il y a des choses que tu peux faire, c'est pas les mêmes objectifs, enfin, tu vois, donc tu peux pas être près de la même manière. Non. Ça rendra pas pareil, en tout cas. Okay. Et après aussi, avec ta profondeur de champ, tu vois, ton deuxième... Premier plan, deuxième plan, troisième plan. Donc voilà, enfin, du coup, c'est plus des contraintes de mise en scène, mais la mise en scène, c'est le récit aussi. Enfin, tu vois, donc ça veut dire que juste t'organises ton récit différemment. Ça ne change pas le scénario, en vrai. À la télévision, on travaille souvent à l'italienne, c'est-à-dire avec plusieurs caméras. Ouais. Est-ce que dans ton... Bah là, on avait prévu de le faire en 3D, il fallait deux caméras, ouais. OK. Mais toi, si tu ne le fais pas, tu le feras pas en 3D, en tout cas, si oui, bravo. Mais si tu le fais d'une manière traditionnelle, avec la pellicule... Non, je préfère pas, moi. Moi, j'aime bien les équipes légères. Donc, c'était le seul truc qui me dérangeait sur la 3D, mais l'enjeu en valait la peine, tu vois. Ça, ouais. Et là, quand tu parles de léger, c'est caméra à l'épaule ou Non, pas forcément, okay. Mais c'est juste qu'il n'y ait pas beaucoup de monde dans l'équipe et qu'on soit léger à déplacer. Et, tu vois, moi, j'ai envie de tourner dans les souks, comme j'ai fait dans mon film africain. On a tourné dans un marché. Et tu vois, là, on était une petite équipe, moins de 10 personnes, même pas 10 figurants, tu vois, juste pour faire les raccords qu'on laissait autour de nos comédiens. Et on est allé partout, enfin... Si t'es Hollywood, là, tout de suite... On est dans un... Non, mais moi, je veux bien, mais c'est pas le même temps que toi. Et puis, tu captes pas les mêmes choses. Du coup, t'es obligé de tout recréer. Et moi, j'aime bien les vraies choses aussi, tu vois. Moi, j'aime bien quand il y a un chien qui traverse la route. J'ai pas envie de dire, on ne rentrait pas... OK, mais si le chien passe, tu vas pas l'enlever. Ah non. OK. Tu veux que ça... Super! Ah oui, c'est ça, OK. Alors, plus... Ça a l'air naturel, lui aussi. Ouais, moi j'aime bien. Ouais. Ah oui. Ouais. Mais tu vois pas comme Truffaut avec son chat qui l'empêche de manger dans la nuit américaine. Il faut lui amener de l'air à manger, il veut pas. Ah, mais c'est pas mal ça. Et puis là, l'accessoiriste, merde, ça fait déjà une semaine qu'il n'y a pas manqué. Mais un chat qui arrive comme ça, c'est de la magie. Donc tu veux garder la magie. Un peu. De la spontanéité. Est-ce que tu laisses la place à. Parce que moi, je trouve que mon histoire, elle est déjà assez fabriquée, pas forcément dans le mauvais sens du terme, tu vois, mais c'est déjà de la fiction. Enfin, rajouter de la fiction à la fiction, au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Moi, j'aime bien mettre de la réalité dans la fiction et tourner en équipe légère, comme ça, en sondant un petit peu. T'as déjà les intérieurs où t'es tranquille et que tu fais ce que tu veux, mais du coup, quand t'es en extérieur, faut que ça circule, quoi. travailler à l'extérieur que travailler à l'intérieur? Parce qu'il faut arrêter la circulation, il faut monopoliser un endroit, il faut... Écoute, oui, moi je l'ai sur, je réfléchis là dans mon film, il n'y aurait pas beaucoup de choses à immobiliser là. Mais tu vois, dans Africaine, il y a eu juste une scène où on a vraiment immobilisé. C'était une scène d'accident de voiture. Donc effectivement, tu vois, il fallait organiser la circulation parce que nous on laissait les mêmes voitures au même endroit à un bon moment. Il fallait détourner la circulation. Mais bon, ça s'est fait. Hein. Étais-tu fière souvent de, des choses plus difficiles à accomplir quand c'est réussi? T'es jamais contente du résultat? Moi, je suis plutôt dans un truc de me dire, à partir du moment où le ressenti que je voulais est là, la façon dont ça s'est passé, bah finalement, c'est aussi ça le réel, tu vois? Et que je suis plutôt à me dire, je vais faire avec ça. Et à la limite, je vais repartir de ça pour adapter le reste. Je vais tenir compte de ça en me disant, bah là, j'avais pas prévu que ça se passe comme ça, ça s'est passé comme ça. Et c'est quand même réussi. C'est pas parce que c'était pas... Ah ben non, faut pas coller exactement à ce que t'as dans la tête. Parce que ce que t'as dans la tête, ce qui compte, je te dis, c'est l'esprit de la scène. Parce que c'est ce qui fait que tu vas d'un point A à un point B et que tu gardes ta cohérence de personnage et la trajectoire du film. Mais après, il ne faut pas s'arc-bouter sur des détails. T'as des détails qui jouent vraiment. Ça, oui, il ne faut pas les rater. Tu vois, si c'est un élément de compréhension de ce qui se passe plus tard, oui, bien sûr. Mais la façon dont les choses se passent... C'est jamais ce qu'on croyait. Non, bah non. Il y a juste des cinglés comme Kubrick, je peux recommencer parce que c'est beau, ouais. Tu vois, mais enfin moi, peut-être que je réagis comme je réagis parce que j'ai jamais eu les moyens de Kubrick ou de Visconti, tu vois. Moi, j'aimerais bien pouvoir dire comme Visconti, non, on va tout faire comme à l'époque, tu vois, dans le Guépard, les filles, elles auront les vrais jupons, le même nom, voilà. Mais je me sens tellement très loin de ce genre de but. Non, mais surtout, tu peux dire que ça se fait plus, ça se fait vraiment plus, même si t'es... Ouais, je pense pas, ouais. Non, parce que l'argent, ce qui étouffe tout, c'est là. Non, mais quand tu vois même des gros films comme Interstellar, finalement, c'est assez, enfin, entre guillemets, hein, c'est assez facile à maîtriser parce que c'est pas non plus un péplum, quoi, tu vois, il n'y a pas de... Mm-hmm. Est-ce que tu vas souvent au cinéma depuis quelques temps? Mais là, je vois quasiment rien, là, je t'avoue. Okay. Mais c'est frustrant. Mais honnêtement, j'ai quand même vu Toy Story 4 avec mes enfants. Ah, okay. et j'étais super contente. Ah oui, c'est vrai, tu as aimé? Ouais. Même si il y a des sentiers de ce que tu fais. Ah non, moi je suis un bon public. Moi je suis venue au cinéma par curiosité, tu vois. J'aime bien aller voir ce que les autres ont dans la tête. Mais surtout, ça touche à tout le monde. C'est pas parce qu'on dit que c'est un film pour enfants que c'est destiné. Non, toute la série des Toy Story, elle s'adresse vraiment à toutes les générations. Dès le premier, il y avait des références que les enfants ne pouvaient pas comprendre. Exact, mais ils vont apprécier quand même. Là. C'est pas parce que. Non, ouais, tout à fait. Et ouais. Nous, ben, on a autant de plaisir parce que. On a un autre degré de lecture. Ouais. Mais le dernier, moi je le trouve très réussi. Ça, c'est pas exclu? Non, ils sont repartis sur autre chose de plus universel. Ok. Et de très. Pas moderne, mais de très actuel, tu vois, dans la problématique. Les problématiques des jouets sont nos problématiques d'aujourd'hui. C'est intéressant. Et les enfants, est-ce que tes enfants ont apprécié? Ils ont adoré. Ils ont vu les trois autres. En vidéo? Non, le 3, ils l'avaient déjà vu en vrai. Okay. Les deux premiers, ils ont dû les voir en DVD, ouais. Est-ce que... C'est en 3D aussi, je crois? Ils l'ont fait en 3D? Je sais pas, moi, je l'ai pas vu en 3D, en tout cas. Ok. Mais quand tu pars avec une famille pour aller voir un film, c'est pas donné. Non. Vraiment, mais en même temps, le film en question a coûté quand même assez cher. Non, mais là, quand même, à Paris, on a des tarifs dans les cinémas pour les enfants. OK, ouais, nous aussi. Ouais. Tu vois. Ouais. Puis il y a des journées, nous, c'est le mardi. Oui, moins cher. Oui, donc il y a moyen que ce soit. Mais oui, non, je suis d'accord avec toi qu'aujourd'hui, là, honnêtement, on en a eu pour un peu moins de 24 euros. Ah, c'est bon! Ça va. Pour combien de personnes? 3. Ah, c'est bon. Ouais, ça va. Un adulte, 2 enfants. Ouais. OK. Sauf que ma fille, elle commence à plus vraiment être un enfant. Oui, mais là, ouais. Elle a 12-13 ans. Elle va avoir 15 ans. 15 ans? Elle passe encore pour un enfant? Ouais. C'est quel âge? C'est limite. c'est quel âge? Ça dépend des cinémas. Il y a des cinémas où justement c'est 15 ans. Okay. Elle les a pas encore. Elle les a fin août. Et il y en a d'autres où en fait le tarif enfant il rejoint le tarif jeune. Donc ça va jusqu'à 26. Ah, 26 ans. Ok, c'est un peu étudiant. C'était étudiant. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est comme chez nous, depuis quelques années, les ciné-clubs sont presque inexistants, il y en a de moins en moins, on ne peut plus regarder nos films de répertoire Alors non, nous on a, tu vois, encore dans le quartier latin, il y a des films, il y a des salles qui sont spécialisées, même maintenant, pas depuis longtemps, mais bon, il faut aller là-bas. Mm-hmm. C'est-à-dire si tu ne vas pas dans ce quartier-là, si tu ne vas pas dans le 6e, près de la Sorbonne, ouais, c'est un peu compliqué. On a toujours la Cinémathèque, qui est dans le 12e. Et après, moi, ce que je conseille aux gens de faire, mais il faut avoir du temps, c'est que quand même, on a plusieurs facs de cinéma qui proposent des ciné-clubs gratuits ou quasi. Comme à l'Université Laval. Ouais, donc, enfin, tu vois, il faut avoir les infos, mais c'est possible encore de voir des films de répertoire. Alors, c'est quand même accessible assez facilement. Bah, à Paris, oui. OK. Après, Et bon, bah, après, les gens les voient, t'as quand même des chaînes, tu vois. Dans des bouquets, t'as des chaînes qui sont spécialisées dans les films de répertoire. Et mais c'est pas pareil. Oui, mais c'est ça ma question. Et pour toi, est-ce qu'un film doit être vu au cinéma ou à la télévision ou peu importe? Ça dépend. Moi, je crois quand même qu'il faut le savoir avant. Moi, je pense qu'un très bon film de cinéma, il passe à la télé. Et que des fois, un film qui est moyen au cinéma, il peut aussi passer à la télé. OK. Bon, ben, tous les films peuvent passer à la télé. Ouais, je pense, honnêtement. Mais après, c'est pas le même plaisir. T'as pas le même plaisir esthétique. Et surtout la salle noire. Et puis c'est une expérience collective. Enfin, c'est toujours moi. Puis c'est la coupure aussi, parce que si tu le regardes dans la maison, le téléphone va sonner, le petit va pleurer. Ou on va sonner à la porte. C'est ça, c'est pas la même expérience. Moi, quand même, quand je regarde un film à la télé, j'ai plus l'impression d'être dans un rapport, pas de consommation, mais si, tu vois. Okay. Je vais me faire ce film ou cette série, tu vois. Mais une série, je peux comprendre. Alors que quand je vais au ciné, j'ai plus l'impression que c'est une rencontre. C'est-à-dire que c'est vraiment un voyage, que vraiment je vais rentrer dans un univers ou dans une proposition. Et tout le monde est là pour ça. C'est donc, ça. C'est un endroit clos Oui, c'est privilégié. Comme tout le monde a fait un effort pour se rendre à cet endroit-là, à cette heure-là. Et moi, pour moi, ça va encore dire quelque chose, c'est vrai. Vraiment. C'est vrai. Ça fait partie du plaisir. Et des fois, t'es déçu, mais t'en retires toujours quelque chose. Est-ce qu'il y a des réalisateurs qui te... On parlait de déception. Est-ce qu'il y a des réalisateurs aujourd'hui qui te déçoivent, qui ne font plus grand-chose, mais à une certaine époque, c'était les... Je suis déçue que des modèles de réalisatrices, tu vois, qui ont fait leur premier film dans les années 90, tournent moins. Voilà, toute cette génération de cinéastes, auteurs, mais grand public des années 90, souvent ceux qui ont survécu, c'est plutôt des hommes. Oui, encore là, oui. Et voilà, enfin tu vois, moi je suis frustrée de pas avoir le même rapport dans la continuité avec des cinéastes femmes dont j'aurais voulu voir plus de films, voulu les voir évoluer comme j'ai pu voir évoluer leur comparse. Mais après, il y a aussi des hommes qui ont pas réussi à faire d'autres films, c'est pas... Et j'aimerais qu'on rende hommage à Agnès Varda qui est décédée il y a pas longtemps. Parle de femmes, c'est un monument du cinéma qui nous a quittés. Un monument du cinéma, un monument d'humanité, c'est une grande dame. Oui. Est-ce que tu étais une admiratrice de Varda? Il y a des films d'elle. Mon préféré, c'est Le Bonheur, mais tu vois, enfin... Tous les 60, c'est Le Bonheur. C'est un film terrible. Mais après, tous les plus récents, c'était des moments d'émotion. Là, et de... Les Glaneurs. Le film qu'elle a fait avec J.R. aussi, qui est... C'est Antoine Hinois aussi, qui est populaire. Non, en plus, c'est ça, elle a une belle carrière dans le sens où elle a touché plein de styles différents, tu vois. Elle a vraiment traversé le XXe siècle d'une belle façon. Et moi, j'étais aussi très admiratrice du fait qu'elle continue à créer aussi tard. Enfin, tu vois qu'elle n'a jamais lâché la barre, quoi. Non. Et elle questionnait toujours. Et elle avait toujours quelque chose à apporter aussi. Oui. Puis des questionnements intéressants sur la femme, sur le fait de vieillir dans les glaneuses quand elle regarde sa main. Non, mais même sur le fait de filmer. Tu vois, pourquoi filmer, comment filmer. Il y a beaucoup de mise en abîme avec elle. Ouais. Ouais, mais ça, c'est beau. C'est oui, c'est, ah, oui, c'est extraordinaire. Donc, est-ce qu'on a rendu, est-ce que ça s'est parlé ici, la mort de Varda, ou ça a passé? Oui, si, si. Ouais. Si, si. Mais surtout dans le milieu du cinéma, mais tu vois, parce que c'était quelqu'un d'incontournable, de très respecté, de très aimé aussi. Mais, tu vois, il y avait un rapport comme ça de, oui, d'affection. Oui, c'est vrai, de tendresse. Ouais, ouais. Mais à la télévision, est-ce qu'on lui a rendu hommage? Pas tant que ça, mais... Pas de film, pas de, de discussion. Moi, j'ai pas trouvé que c'était extraordinaire. Okay. Alors, c'était juste entre les gens du milieu. Ouais, oui. Non, mais ça, tu vois, ça a été relayé à la télé, aux infos, tout ça, nanana. Mais... formation classique. Ouais. Bah, tu vois, cette année, on a aussi perdu Michel Legrand. Oui. Ah, Michel oui. Legrand, il y a eu beaucoup plus d'hommages à la télé, ouais. Tu vois. Et ça, c'est la musique. Peut-être que la musique... Peut-être plus, ça touche plus les gens, c'est plus... Ouais. Enfin, plus de monde, en tout cas, ouais. Parce que les gens ont plus accès à la musique qu'au cinéma. Non, mais c'est sûr qu'en tout cas, la musique de Michel Legrand, elle fait partie de la vie des gens, en fait. Ben, tu oui. vois. C'est la ben, musique, oui. ça rentre dans ta vie. Oui, effectivement. Ça te rappelle des souvenirs personnels. Hey. Peut-être sans doute plus que le cinéma, bien sûr. Hein. Puis on peut aussi l'associer au cinéma. Ouais. Michel Legrand, il n'aurait pas été... Ouais, mais il a aussi travaillé avec des chanteurs, et, oui. tu vois, que les gens connaissent par ailleurs. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Et puis à une certaine époque, il utilisait des noms de personnes et il faisait de la musique sur. C'est merveilleux, hein. Ouais. C'est merveilleux. Mais Agnès Varda, est-ce qu'ils ont gardé son musée où elle habitait Oui, oui, pour l'instant, oui. Bah oui, c'était sa boîte de production et je pense que ses enfants, sans doute sa fille, continuent. Ils vont rester pour pouvoir continuer. Bah oui, oui, pour gérer le patrimoine en fait. Ouais, hein, c'est exactement. Quand même que ce soit Jacques Demy ou Agnès Varda, il laisse un vrai patrimoine cinématographique. Et, Elle a tellement été fidèle à son mari. Ouais. Elle l'a jamais abandonné. Ouais. Elle a même. Mais le film qu'elle a fait sur lui est magnifique. Ouais. Ouais. Mais le coffret aussi qu'elle a fait pour lui, ouais. c'est vraiment une affection. Tout à fait pur et joli et sublime. Et, mais le cinéma, trouves-tu que c'est essoufflé à cause de la télévision? Pas à cause de la télévision. Hein. Nous, en France, en tout cas, je ne sais pas comment c'est ailleurs, mais en France, il y a très clairement un essoufflement du fait de la prise de pouvoir de la finance, enfin, tu vois, des intérêts financiers. C'est des films qui se font. C'est décevant. Oui, enfin, mais c'est pas des films qui sont faits pour être intéressants en fait. Ouais, tu vois, t'as une blague juive comme ça, ou t'as quelqu'un qui essaye de vendre, enfin un vendeur de pantalons, et donc tu vois, il démarche comme ça, il est VRP, il démarche, ouais, faut m'acheter mes pantalons, il négocie, nanana. Et en fait, il arrive à les vendre, et la personne qui reçoit les pantalons, elle ouvre les caisses et elle découvre que c'est des pantalons avec une seule jambe. Et elle dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et la personne en face lui dit, non, mais c'est pas des pantalons pour porter, c'est des pantalons pour vendre. Ah, c'est bon. Et ben, le cinéma en France, en ce moment, c'est un peu ça, tu vois. C'est un truc où personne se pose la question de... est-ce que ça raconte quelque chose? Est-ce que la personne qui va le faire porte quelque chose grâce à ça? Enfin, comment ça l'habite? Est-ce qu'il y a une idéologie derrière ça? Oui, ou un ressenti, ou tu vois, une envie de partage. Quand même la base, quand tu c'est ce qu'on vient de dire d'Agnès Varda. Agnès Varda, elle avait ça tellement fort que... Mais trouves-tu que le cinéma était plus facile dans les années 60 avec Agnès Varda? Quoique les femmes n'avaient pas de position. Ouais, ouais, moi aussi, c'était différent. Facile, je sais pas. J'ai plus l'impression quand même... j'ai plus l'impression qu'il y avait encore dans les années 60 des producteurs et des mécènes qui étaient là vraiment pour l'amour de l'art. Ah ouais, ouais. Là, aujourd'hui, il faut les chercher. Mais juste la Cinémathèque, l'Anglois, a beaucoup fait pour le cinéma, pour pas l'oublier. Ouais, hein, ouais. C'est presque un dieu pour le cinéma, parce que souvent il récupérait beaucoup de films. Hein, puis le musée a servi à ça. Quand je l'ai visité en 89, on voyait la route de Chaplin, on voyait robes. Et ça n'a pas changé. T'as des éléments de décor de Méliès. Oui. C'est génial. Ah, oui, c'est merveilleux. Ouais. C'est merveilleux. Ouais. Et c'est encore très, très actuel pour les amateurs de cinéma. Ah, oui. Si on a étudié ou si on s'intéresse au 7e art, faut aller voir parce que C'est surtout que tu comprends tout. En fait, tu comprends. Oui. D'où viennent tous les autres films après. C'est vrai. Et comment ça s'est fait. Et tu te rends compte qu'en fait, même sans les moyens extraordinaires techniques qu'on a aujourd'hui, on racontait toutes sortes d'histoires et que c'était magique. Quoi. Il y avait Est-ce que c'est plus difficile de créer le réel avec aujourd'hui toute la technique, tous les problèmes? Moi, j'ai quand même encore des problèmes avec... ce qu'ils appellent la haute définition, tu vois, l'image numérique. Moi, j'arrive encore pas à retrouver mes petits là-dedans, tu vois, sur le rendu. À la télévision, c'est sans doute très pénible. Bah, mais moi, j'ai trouvé un réglage sur ma télé qui atténue ça. Non, mais ta télé à quoi chez toi, là? Ouais, c'est ça. OK, mais quand tu tournes... Non, on y arrive à peu près. OK. Mais bon, après, tu vois... Interstellar, si je me trompe pas, il a tourné en 35. Mmh. Ben, moi, je trouve que ça se voit. Voilà. Okay, tu vois la pellicule. C'est ça. Il y a un travail sur. Pour l'instant, moi, j'arrive pas à retrouver. Et tu trouves que ça brise un peu l'histoire? C'est pas ça. C'est que l'émotion esthétique n'est pas la même. Donc ça te fait comme un, ça te fait comme un levier de d'action en moins en fait. C'est-à-dire que c'est pas grâce à la pellicule que tu vas raconter ton histoire. Et c'est dommage parce que si on se souvient quand même, tu vois, justement le choix du grain, tout ça, c'était super important. Quoi. As-tu suivi le parcours de Woody Allen jusqu'à aujourd'hui? Oui, j'aime beaucoup ses films. Et puis moi, je trouve tous ses films passionnants. Ouais. Comment il s'appelle ce l'avant? Nous, il y en a un qui n'est pas encore sorti. Donc je pense que je parle du dernier. C'est l'affiche avec la grande roue. Ouais. Moi, je l'ai trouvé sublime parce qu'il y a des références à Minelli. Comme un torrent, tu vois, dans les l'utilisation des couleurs, que j'ai trouvé tellement belle. Enfin voilà, c'est un réalisateur qui a bien vieilli. En tout cas, moi je trouve, je sais pas si on peut dire bien vieilli, mais en tout cas moi je trouve qu'il se renouvelle, c'est-à-dire qu'il cherche encore. Tu vois, et que pendant un moment on disait ouais, il fait tout le temps le même film, mais en fait non. C'est vrai. Tu vois, il aborde des nouveaux sujets qui sont parfois très très modernes, quoi. Tu vois, là, je pense au film avec Joaquin Phoenix sur ce prof d'université, tu vois. C'est un sujet tellement actuel, tu vois, une espèce de pervers narcissique, cette jeune étudiante qui tombe dans ses griffes, et tu vois. Et en fait, tout est toujours très cinématographique au sens classique du terme, c'est-à-dire que s'il y a une esthétique... Il y a aussi un clin d'œil à Manhattan, hein. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, ouais. Tu vois, ça fait écho... Ouais. Il faut quand même avoir la vision globale de l'artiste pour pouvoir apprécier. Parce que les références, on peut les faire. Si tu vois un film de Woody Allen pour la première fois, je crois que tu risques d'être ébranlé parce que tu n'as pas de référence, tu ne comprendras pas. Mais, oui. En sachant, tu comprendras certaines choses, mais pas tout. Oui, c'est ça. Ouais. Mais tu peux faire des liens et c'est ça l'intérêt d'avoir une culture cinématographique. Ça ne tombe pas à plat. Souvent, si les gens s'emmerdent, j'ai un professeur en cinéma qui me dit, si les gens s'emmerdent, c'est deux choses. Soit que le film a été mal réalisé, que les gens n'ont aucune référence cinématographique. Oui. Alors. Mais le film, il se fait 50% le réel, 50% le public, hein, oui, la personne qui le regarde. Ça, c'est vrai. Il y a tout ce que tu mets. Et moi, je t'avais dit la dernière fois, je t'avais raconté, mais il y a des films que je vois des moments différents de ma vie. Oui, ils comme me racontent moi. Autre chose. Comme moi. Donc, c'est bien la preuve, c'est le même film. Hein. Oui. Moi, ouais, j'ai des films. Je ne les vis pas de la même manière. Je ne les reçois pas de la même manière. Mais même, je suis assez cinglé, puisqu'à chaque année, je regarde. J'ai 10 films que je regarde à chaque année. Ah ouais, carrément. Toi, c'est organisé, quoi. Il y a 37-2 le matin. Ouais. Après ça, il y a À bout de souffle. Les yeux grands fermés. Ouais. Ça, c'est quand même assez récent. Ben, ça fait quoi, 15 ans? Ouais. 15 ans. Tu as 20 ans, non? Peut-être. Ciao Pantin. Ouais. Ciao Pantin, c'est quand même mon film. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est ouais, bien. Ouais, ouais. Et un film qui n'a pas très bien fonctionné et que moi j'adore, c'est Hôtel Select. Oui, Select Hotel. C'est un film français dont tu oui, parles? Oui, Select Hotel. Ouais. J'ai adoré, moi, Select Hotel. Je connaissais la moitié de l'équipe, les comédiens. J'ai rencontré le réalisateur. Ouais, il est super. Un gars très intense, très punk dans les idées, très punk dans... Oui, puis il n'a pas sa langue dans sa poche, il a raison. Mais t'as-tu vu son film Cul? Non, justement, j'ai pas vu. OK. Si, j'ai pas vu. OK. Et c'est vraiment un questionnement sur la sexualité, sur les conflits hommes-femmes, sur... Et comme tu dis, il n'y a pas la langue dans sa poche. Quand il dit, il le dit. Oui. Et puis, oui, c'est quelqu'un qui est... Intègre. Ouais, puis sans filtre, c'est-à-dire qu'il va pas mentir, quoi. Bounik. Bounik, oui, c'est ça. Exactement. Et donc, les Nouveaux aussi, les Nouveaux de Color, qui est un film culte pour moi, là. Qui est toujours qui est très, très bien vieilli. C'est vrai. Quand tu regardes Roman Boringer, c'est hallucinant. C'est encore le jeu un peu à la... à Piala, on essaie de créer le réel. Et puis même, c'est improvisé. Souvent, c'est improvisé. Donc ça, j'adore ça. Aimes-tu dans tes... Ben là, tu n'as pas fait tant que ça, mais aimes-tu dans tes films créer le réel, c'est-à-dire de travailler avec les comédiens sans que l'autre soit au courant? Non, je ne le fais jamais, moi. C'est très écrit quand même, tu vois, sur ça en tout cas, sur les dialogues, c'est très écrit. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, on laisse rentrer le réel, mais sur les choses autour, contrôler, sur le contexte, ouais. passe entre les gens, non. Mais c'est parce que les sujets que je traite ne s'y prêtent pas, en fait. Après aussi, je trouve que pour pouvoir travailler en impro, il faut avoir beaucoup de temps en amont pour travailler avec les comédiens, tout ça. Enfin, c'est toute une organisation. Pour que... Des fois, ça se fait 3 mois avant le tournage. C'est ça, oui. Ou tu rentres un peu comme Piala dans une dissèque, puis tu rentres, tu sors pas, un peu comme Kubrick le faisait. Tu deviens complètement cinglé. Un film ne se fait pas en 6 mois avec lui, ça se fait en 2 ans. Mais je trouve ça assez formidable que Kidman, comme Cruise, ait dit oui. Ouais, c'est super. Et c'est là, après ça, que le couple s'est désagrégé, quand on est devant. En fait, oui. Ce qui se dit, c'est que du coup, comme ils ont passé tellement de temps ensemble sur le thème du couple, ils se sont brûlés. Ouais. Des discussions peut-être à travers le couple. Oui, je pense. Ça les a forcément ramenés à eux-mêmes. Et peut-être que Kubrick s'en est servi aussi. Enfin, il y a une mise en abîme qui a dû les faire travailler, je pense. Mais le titre est fabuleux. Ouais. Les yeux grands fermés, c'est le titre en français, c'est... Hey, j'ai 10 questions, comme d'habitude. Ah, OK. J'ai hâte de voir où ça va nous mener. Ouais. On va écouter notre ancienne rencontre quand je vais aller placer pour voir. D'accord, ouais. Moi, je veux que tu as posé les deux. Waouh. Et là, c'est pour ça. Ça se trouve, je vais répondre exactement la même chose. Ben, peut-être. Si tu étais un liquide. De l'eau. Ouais, je pense que j'ai répondu ça aussi. Ben oui. Ouais. Si tu étais une ville. Vous voulez rendre. J'ai envie de répondre Paris. Mais. Voilà, ma première réponse spontanée, c'est Paris, mais au moment, parce que c'est ce qui me semble évident. Mais je t'avouerais que je suis un peu fatiguée de Paris, dans le sens la pollution, c'est une ville plus dure. C'est une ville où j'ai moins de plaisir qu'avant, parce que je travaille beaucoup, du coup j'ai moins le temps d'en profiter, je vois moins mes amis, je sors moins. Je pense que pour être bien à Paris, il faut avoir le temps. D'aller aux expos dans la journée, de sortir le soir, de faire des rencontres. Et actuellement, c'est pas trop. Non, du coup, j'ai que les mauvais côtés, tu vois, la pollution, les temps de transport, ça me saoule. Et aussi de la pollution sonore, pas juste la pollution. Là, ça va encore. Ouais, c'est vrai. Donc, je sais pas, du coup, si je dois avoir une réponse B, un plan B. La banque, tu t'en fiches, quoi. Bah là, je vais retourner à Montréal. Oui, je vais bien voir. Tu vois, parce que pendant très longtemps, en fait, quand j'ai découvert Montréal, je me suis dit, c'est là que je serais bien pour vivre. Puis tu vas combien de 3 semaines? Ouais, 3 semaines et demie. Ah, ouais, c'est pas mal. Oui, c'est bien. Ah, c'est vraiment décroché. Oui. Avec les enfants, c'est super. Ouais, ouais. Ils vont tout voir, ils vont vouloir tout comprendre. Pourquoi maman aimait ça? Pourquoi maman. Un peu comme dans ton film. Ah, c'est marrant. Alors, je vais te dire, je pense que mes enfants, ils vont le voir à leur niveau. Ils vont pas du tout se poser la question. Ben, la fille de 15 ans, oui. Ben, en tout cas, je suis intéressée de voir comment ils vont réagir, bien sûr. Tu vois, moi, c'est marrant, je pense que tous les deux vont aimer pour des raisons différentes, mais j'ai aucun doute sur le fait qu'ils aiment. Est-ce que ça se peut qu'en revenant de j'espère là... Que je vais pas tromper. J'espère qu'ils vont pas revenir en disant « ouais, c'est pour moi ». Ouais, c'est pas... C'est non, je crois pas, franchement. C'est pas si bien que ça, maman. Est-ce que ça se peut qu'en revenant de voyage, que ton scénario se modifie ou tu l'as arrêté là? Je pense pas que ce soit à cause de ce voyage-là, mais après, oui, tu vois, c'est sûr que si finalement le film se fait dans 10 ans, moi, je serais pas la même personne, ans, donc évidemment, je vais reprendre le scénario, là. Ah, mais t'es prête à attendre 10 ans? Oh, ça arrive, hein. Non, mais tu vois, c'est une façon de parler aussi, mais... 10 ans, c'est long. En tout cas, oui, enfin, tu vois, forcément, le temps qui passe, il change mon rapport au projet, il me change moi. Parce que là, si tu as pensé à... Oui, tout à l'heure, on disait le projet vieillit pas, mais moi, oui. Oui, ben oui. Le projet est toujours faisable, mais qu'est-ce que j'en pense, quoi, tu vois? Mais toi, quand tu écris des rôles, est-ce que tu vois qui va les jouer? Alors, moi, j'écris toujours avec des gens en tête, pas pour quelqu'un, avec des gens en tête. Mais après, tu vois, l'expérience m'a appris à être très souple. Ce que je garde en tête, c'est que chaque casting fait un film différent. Oui. Voilà, et... Tu vois, tout à l'heure, je te disais, moi, quand les choses sont d'une telle façon, je m'adapte. Ok. Ah, alors voilà, je me dis, si finalement, c'est telle autre personne qui joue le rôle. Tu dis, ok, on part de là. Ouais. On part de là et on va raconter la même histoire différemment. Utilises-tu l'énergie de la comédienne à bon escient? Parce que si tu choisis 3 comédiennes, c'est 3 comédiennes différentes. Oui. Alors ça peut sublimer le récit. Ou pas vraiment? Ah ben si. C'est ce que je te disais tout à l'heure sur le petit secret. Quand il y a un comédien, mais ça marche aussi en cinéma évidemment, c'est quand il y a un comédien qui comprend intrinsèquement le rôle et ce que tu as voulu dire à travers ce rôle-là, tu qui comprend son personnage, qui est vraiment intimement. Bon, bah là, il fait ce qu'il veut, en fait, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'au bout d'un moment, c'est lui qui sait. Mais des fois, ça n'arrive pas, et c'est là que c'est dur. C'est quand le. Quand, bon, que tu sois obligé d'expliquer, pourquoi pas, mais quand t'es vraiment, t'as vraiment besoin de beaucoup expliquer, parce que bah, là, c'est que tu t'es trompé dans le casting. Oui, oui, oui. Il faut beaucoup parler avant. Mais quand c'est signé, tu peux plus rien faire. Tu peux pas faire comme Chaplin, puis changer, puis de recommencer ton film à zéro. Ouais. Mais je vais te dire, même quand tu changes de casting parce que le film est trop long à se faire, etc., comme ça m'est arrivé sur Africaine, t'as quand même aussi un moment de deuil du film que t'aurais fait avec ces personnes-là. Oui, tu vois, film-là, il se fait pas. Non, c'est ça. Alors que le scénario change pas, tu vois, mais c'est quand même un autre film. Voilà. Mais toi, tout ce que tu avais projeté ne sera pas fait, donc c'est comme une petite mort en soi. Ouais, c'est une déception, c'est une déception. Bah, en fait, c'est une déception comme on connaît souvent dans ce métier quand même. Tu vois, toutes les choses que tu écris qui se font pas, qui se réalisent pas, ou qui, tu vois, qui sont arrêtées en cours de route. À chaque fois, ces petits deuils, dans le sens où tu as créé quelque chose, c'est une vie. Les comédiens qui ont, admettons, 30-35 ans, ils ont appris à travailler plus rapidement. Hein. Ils ont appris... Mais les plus anciens, les plus vieux, est-ce qu'ils... Est-ce qu'ils ont de la difficulté à suivre le train en marche les plus âgés, parce que c'était une ancienne époque, on avait du temps pour... Oui, globalement, oui. C'est plus difficile. Celui que je connaissais, qui s'est très bien adapté, à part Agnès Varda, encore une fois aussi, hein, si elle a duré, si elle a réussi à faire des films... Toi, à un moment donné, elle est partie en caméra très légère, toute seule avec la caméra. Non, mais les comédiens aussi. Est-ce qu'il y a des vieux comédiens qui ont de la difficulté à suivre le train en marche, parce Moins. Ah non? OK. Moins. Parce que je pense que les comédiens, ils ont plus... avant, ils passaient déjà d'un projet à l'autre. Et en fait, avec chaque réalisateur, tu fais un gros film, tu fais un petit film, déjà, tu t'adaptes. Je pense que c'est plus dur pour les réalisateurs qui, à un moment donné, ont vraiment eu le vent en poupe, qui réalisaient tous leurs projets. Et là, ça coince, tu vois, ils font un projet sur quatre. C'est dur pour tout le monde. Hein. Ouais. Mais je pense que quand c'est nouveau pour tout, c'est encore plus dur. Et puis apprendre à travailler vite quand t'as pas l'habitude, c'est compliqué. Mais c'est étrange, parce que l'émission Cinéma, il y a longtemps, Alain Lecavalier dit que... Cavalier. Alain Cavalier a dit, si un jour le numérique prend le dessus, j'arrête de faire du cinéma. Et c'est il a quand même perduré. Mais il fait des super films. En c'est peut-être aussi la frustration de voir le changement, quand tu veux pas que ça change. Mais il fait d'autres films. Qu'il ne fait pas les mêmes films. Non. C'est-à-dire que le deuil que tu fais, c'est de ces histoires-là, avec des personnages, nanana. Du coup, il se dit, qu'est-ce que je peux faire avec cette petite caméra numérique? Il fait une sorte de journal intime. Ouais. Il te raconte quand même une histoire, mais complètement différemment. Et c'est tout aussi exceptionnel. Bien sûr, ouais. Mais tu vois, effectivement, tu regardes Le Plein de Super avec Bouchité et tout ça, c'est autre chose. C'est une façon plus classique de raconter des histoires. C'est vrai. Classique, quoi. Avec une mise en scène, avec ta. Est-ce que c'est moi qui l'ai perdu de vue, mais ça fait longtemps que je n'ai pas entendu Gérard Depardieu, que je ne l'ai pas vu au cinéma? Je sais qu'il a fait un concert sur Barbara, il a fait une tournée. Oui, je pense qu'elle a bien occupé, parce qu'en plus c'était très important pour lui de le faire. Oui. C'était très beau. Imagine-toi, sais-tu mon histoire, moi? Non. Tu sais, non? Il est passé à Québec. Ouais. J'avais mon billet 6 mois d'avance. Ouais. Je croyais que c'était cette semaine-là, mais c'était la semaine avant. Oh, tu l'as raté? Je l'ai raté. Alors que t'avais ton billet. Oh non! J'étais le deuxième rangé. Ouais. Ah, excuse-moi, je sens. Non, je n'ai même pas coupé mon téléphone. Non, devant. Voilà. Ah non, mais t'aurais pu répondre. Mais après ça, encore aujourd'hui, je le regrette. Gérard Depardieu, deuxième rangé. C'est fou. Ouais. Alors, si tu étais une langue, on l'a-tu dit ça parce qu'on a partagé en blé? Non, tu l'as pas dit parce que la Non, on l'a pas dit, on s'arrête à la ville. Oui. Écoute, là comme ça, je te dirais, j'aurais envie d'être le chinois. Ah oui? Une langue très différente avec un autre alphabet. Quelque chose de un peu inconnu. Très complexe. Très complexe, oui. C'est aussi compliqué que le russe. Oh bah oui, je sens bien. Oui. Si tu étais une époque. Thank you. C'est très mal. Moi, j'ai toujours pensé que j'étais pas née à la bonne époque. Ah oui, c'est ça que t'avais dit. Ouais. Ouais. Honnêtement, non, je serais quand même tentée de te dire aujourd'hui, parce que je suis là, voilà. Mais oui, enfin, en tout cas, en ce qui concerne le cinéma, par contre, moi, j'aurais aimé connaître les débuts. Ah oui. Tu vois, quand il y avait tout à faire, quand c'était nouveau. Quand... Ben, yes, Ferdinand. Ouais. Ouais. Ça, j'aurais voulu vivre ça. Est-ce que les femmes avaient une place à cette époque-là? Ouais, ben justement, elles en avaient une bien plus importante qu'après. En fait, si tu veux, c'est toujours le truc, c'est que quand il y a quelque chose qui arrive, c'est mal payé, il n'y a pas d'argent, donc y a de la place pour les femmes. Ouais. Puis quand ils se sont rendus compte que ça rapportait des sous, là, t'as les mecs qui arrivent et puis pouf. C'est là que ça. Là, tu sais, en France, t'as une réalisatrice là qui commence à être des premiers temps, qui commence à être réhabilitée, qui s'appelle Alice Guy. Il y a eu un livre sur elle, etc. Et c'était une fille qui a fait des dizaines et des dizaines de films. Elle est partie même faire carrière à Hollywood, tu vois. Et voilà, c'est quelqu'un dont le nom a été complètement effacé des plaquettes. Bah oui, oui. Si tu étais un mot. Oh, c'est vrai. Non, mais parce que. Pourquoi c'est compliqué? Non, parce que c'est déjà un mot, quand tu le dis, il y a plusieurs orthographes, donc il y a plusieurs sens. Oui. Et c'est un mot simple. C'est vrai. C'est vrai. C'est facile à dire, tout le monde peut le prononcer. Effectivement. Si tu étais un aliment. Oh, des pâtes. Ah oui, un moment aussi. Je peux en manger à tous les repas. Ouais. Je trouve ça formidable. Je mange un spaghetti au petit déjeuner. Ouais, c'est... Ah ouais. Si tu étais une saison. Le printemps. Ouais. Ça ne change pas. Ouais. Mais ça m'inquiète le changement climatique en soi. Mais nous, là, cette année, on n'a pas eu de printemps. C'était. Il a fait beau, après il a fait un temps exécrable, après il a fait un temps encore plus exécrable, après il y a eu la canicule. Il est où le printemps là maintenant? Aujourd'hui ben là, ça va. Il y a plus de printemps, c'est l'été. C'est ça. Ouais. D'accord. Et alors, moi j'adore le printemps. Charmière, y a plus j'adore moi les premières soirées dehors. Ouais, ouais, c'est vrai. Vois, tout ça. Ouais. Et puis c'est le renouveau, donc ça donne le moral. Ça remet au monde. Ouais, ça y est, elle en repart, tu vois. Si tu étais un membre corporel. Ma main droite. Tell me you love me. Pourquoi droite? Bah, parce que je suis droitière. C'est celle dont je me sers le mieux, donc c'est la plus utile pour moi. Et je trouve qu'une main, c'est formidable parce que c'est quand même le meilleur outil de l'homme. Est-ce que tu connais la chanson « La main gauche »? Non. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais aimé. Ça te dit rien? Si, ça me dit quelque chose. Maintenant. C'est Messa qui chante ça. Ouais. Elle est décédée, elle l'a chanté. Elle est décédée d'un cancer à 39 ans. Et c'est sa chanson la plus connue et reconnue. Super, ça te déchire le cœur. Pardon? Je vais rentrer écouter ça. Ça vaut la peine. Il y a une réalisatrice suisse qui reste à Montréal depuis des années, que j'essaie de trouver le nom. Elle fait Anne Trister. Elle est suisse. Elle a fait Anne Trister. Elle a utilisé cette chanson-là. Comment elle s'appelle? Et là, je n'ai pas entendu parler d'elle depuis plusieurs années. Ah, je t'enverrai ça sur Facebook. Ouais. Oui, je vois bien. C'est merveilleux. Très bonne réalisatrice. Et je lis ce que vous allez en dire. Je vois son nom, là, je vais ça éclaire pas assez. Ouais. La bougie est éteinte. Peu importe. C'est un court nom et un court prénom. Moi, donc, c'est une chanson extraordinaire. Que si tu étais un moment de la journée. Le soir. Pour l'apéro, à l'heure de l'apéro? Ouais, non, pour... c'est la fin de la journée, mais c'est le début de la soirée. Ouais, ouais, j'aime ouais, bien ouais. Ce genre de moment comme ça, un peu charnière. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Je peux pas te dire le matin, parce que le matin, j'aime bien le côté début. Mais comme je vis pas la nuit, c'est pas le, j'aurais pas le même rendu que le, avec le soir. Ouais, ça fait ouais, moins ouais, c'est passage d'un truc à l'autre. Juste me réveille de coma, là. Oui, et surtout que la chaleur tombe. Hein. Ouais, ça ouais c'est ça qui est agréable. Un autre individu. De connu qui existe vraiment? Ou, ben, ou inventé. Ou même, pourquoi pas, de cinéma. Ah ouais. Notre individu. C'est compliqué parce que je crois pas que quelqu'un. Tu vois, enfin. Ben, bien sûr, j'aimerais avoir beaucoup de talent, de super pouvoir et tout ça, mais tu vois. Même si je te dis Spider-Man, je pense que la vie de Spider-Man est compliquée. Oui, je suis pas sûre de le... Un super-héros, c'est pas facile. C'est ça. Bah oui, tu vois, oui. Grand pouvoir, grande responsabilité, tu vois. Donc du coup, finalement, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un dont j'ai envie de... Parce qu'on quand même, tout se paye, hein, tu ouais. vois. Le... Même le talent artistique, surtout le talent artistique. Oui, et, oui, oui. Je suis pas sûre. Oui, mais surtout, on sait pas vraiment ce qui se cache en arrière de tout ça. Ouais. Ouais. Alors, personne? Bah non. Je prends pas le risque. À choisir, est-ce que tu fais la même chemin? Bah tu sais que ça, j'arrive à un âge, là j'ai eu 49 ans, où cette question elle se pose souvent, parce que oui, là j'ai des retours de bâton, enfin... À la fois, tu vois, quand je deviens productrice artistique, bah, c'est le résultat de ce que j'ai fait avant. Donc ça paraît être une sorte d'encouragement ou de validation. Et en même temps, je me rends bien compte maintenant que j'ai laissé passer des occasions, des opportunités. Mais globalement, je ne vois pas comment je pourrais faire autrement. C'est-à-dire que si je pouvais recommencer en sachant ce que je sais maintenant, ça serait des choix faits par calcul. Et moi, je me souviens de la personne que j'étais à ce moment-là. Bon, déjà, j'ai fait les choix en fonction de la situation. Alors... Bah, je pense qu'en fait, je referais la même chose. Parce que au moment où j'ai fait ces choix-là, bah, j'étais vraie et j'étais dans mon époque aussi. Mais est-ce que le fait aussi d'avoir des enfants, ça change? Ah bah oui, là du coup, t'as pas envie de prendre le risque de pas les avoir. Moi, j'adore mes enfants. Ouais, ouais, ouais, ouais. Donc oui, t'as raison. Rien qu'à la base de ça, tu vois. Mais parce que oui, t'as raison en plus, parce que là, je réfléchis surtout professionnellement. Ouais, mais, mais ça va ensemble, enfin, tu vois, mes choix de carrière aussi. Ouais, mais si tu as des enfants, tu peux pas faire ça. Tu fais pas les mêmes choix. Non, non, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, ouais, ouais, ouais. Il faut éduquer nos enfants, c'est bien beau les faire, mais il faut s'en faut être là, ouais. Mais parce que si on n'est pas une machine à créer, vous êtes pas des machines à créer. Ouais, ouais. Donc, et après, hop. Ouais, c'est ça, exactement. Qu'elles viennent que pourra. On va laisser l'État s'en occuper. Mais ça, il y en a beaucoup, c'est fou. Sais-tu qu'au Québec, là, pour les garderies, là, les femmes doivent réserver dès le moment qu'elles sont enceintes. Oui, mais nous ici, hein. À Paris aussi. C'est complètement ouais. Bah oui. À 6 mois de grossesse. Il faut qu'on soit sûr qu'il est viable, tu vois, et voilà. Et là, c'est la surprise si tu as des jumeaux. À 6 mois, en général, tu le sais. pardon? À 6 mois, en général, tu le sais. Tu as les écouteurs. Mais il y a des gens qui ne veulent pas savoir. Oui, c'est vrai. Ah bah là, écoute... Et ça, j'aime ça. Parce qu'on veut tout savoir dans la vie. Ouais. On veut tout savoir avant. Et puis, c'est vrai, c'est de la curiosité avant le temps. Ouais, mais là, moi, je trouve qu'un enfant, pour le coup, moi, je voulais savoir très tôt si c'était un garçon ou une fille. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as déjà une relation avec ton bébé dans ton ventre et tu peux pas lui parler comme à une chose neutre. Enfin, moi, j'y arrivais pas en tout cas. En 1920? Eh ben, j'aurais été curieuse de voir, ouais. Moi, je pense que j'aurais eu peur, parce qu'en fait, tu ressens quelque chose. Oui, bah oui. Tu ressens si c'est un garçon ou une fille. Moi, j'aurais eu peur de me tromper, tu vois. J'aurais eu peur de lui parler pendant 9 mois ou pas. Oui, parce que c'est un choc, du coup, quand... Parce que tu t'imagines, tu te projettes. Et j'aurais pas voulu risquer de le rejeter parce qu'il n'était pas comme je me l'étais, tu vois. Mais est-ce que de toute façon, l'enfant, tu ne l'as jamais imaginé comme il est, mais au moins, tu vois... Inconsciemment, est-ce que c'est pour, pas non plus, c'est pour préparer son arrivée? Bah si, c'est ça, tu vois, c'est... Tu sais, préparer sa chambre, préparer tout ça. Oh non, parce que nous, on n'était pas dans un truc, les filles en rose, les mecs en bleu, quoi. Ok. Non, c'est pas dans ce sens-là, c'est pour préparer le fait de s'adresser à lui de la bonne façon, enfin de la bonne façon, de la façon adéquate, pas bonne ou mauvaise, tu vois, mais de le considérer le plus tôt possible comme une personne, tu vois, personne qu'on ne connaît pas encore, mais tu vois, au moins... C'est bizarre, on ne connaît pas, mais qui est à nous, hein. Bah, puis qu'on sent. Oui, exactement. Avec qui on a une relation, avec qui on a des échanges, avec qui ça circule. Est-ce que tu crois que le copain avec qui la personne a un enfant est aussi important dans cette grossesse-là? Ah oui, oui. Nous, tu sais, on a fait de l'aptonomie. Oui, ça c'est super. Oui. Et c'était drôle aussi. Oui, oui, parce qu'en fait, si tu veux, moi, je me mets à la place. C'est pas, je pense que c'est bien de l'inclure. Enfin, il faut l'inclure et c'est plus agréable aussi pour lui. Moi, j'aurais pas aimé me sentir extérieur complètement. Bien sûr que tu n'es pas à la place de la mère qui porte l'enfant, et mais... C'est rare que les hommes s'impliquent autant. Bah écoute, moi je pense qu'on n'est pas ensemble par hasard. Ces enfants, on a voulu les faire ensemble et on les a fait ensemble. On arrive souvent avec des phrases qui sont surprenantes, hein, le contraste attire. L'osmose, j'aime bien quand l'autre me ressemble, parce que c'est plus facile. Ben là, moi je peux pas dire que mon compagnon me ressemble, mais par contre, c'est les enfants, c'était vraiment un... Non, mais en tout cas, les enfants, c'était vraiment un projet commun, tu vois. Donc, s'il n'y avait pas plus l'un que l'autre qui avait envie d'en avoir, c'est les deux, tu vois, chaque fois, quand on les a faits, on voulait les recevoir et les... ensemble, tu vois. Mm-hmm. Comme on voulait les élever ensemble, tu vois, ça nous aurait paru bizarre que la grossesse, ce soit que mon problème ou mon domaine, en tout cas. Avant de terminer, est-ce que tu... Je trouve que ton court-métrage a bien vieilli. Il est quand même très jeune, mais est-ce que c'est... Non, le long-métrage. Africaine? Africain, oui. Mais mes courts-métrages aussi, on peut en parler. Est-ce que tes courts-métrages ont bien vieilli? Honnêtement, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Moi, je pense qu'il y en a un qui a mal vieilli, mais je pense que c'était déjà le moins réussi des trois. Des trois qui ont une vie de... Parce que j'en ai fait plus, mais qui ont une vraie vie de court-métrage. Je pense que le premier qui était plus art et essai, tu vois, il a bien vieilli parce que c'est un genre en soi, tu vois, voilà. Et le deuxième, qui était plus sensible, on va dire, je pense qu'il vieillit, mais dans le bon sens du terme. C'est comme le bon vin. Ouais, non, mais tu vois, des fois, t'as plaisir à voir des films anciens qui fonctionnent sur une autre... Ouais, non. Bon, 95 quand même, tu vois, le film où je te parle, mais qui repose sur une autre façon de faire et de penser. Ça fait du bien aussi. Oui. Et ton long-métrage? Bah, mon long-métrage, oui, comme tu dis, il n'est pas si ancien. Donc, pour l'instant, il n'a même pas encore vieilli. Donc, je peux pas dire s'il a bien vieilli. Je sais pas. Moi, pour moi, en tout cas, ça fait longtemps. Ça aussi, ça fait moins longtemps, évidemment, mais ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Mais tu vois, quand j'y repense, il reste... C'est différent aussi, tu vois, les films que tu fais, les films que tu vois. Ben oui, ben oui. Parce que là, je ne peux pas dire qu'il a vieilli parce qu'il est encore dans ce que j'ai envie de raconter. Et voilà, tu vois. Alors que les courts-métrages, de ce point de vue-là, je trouve qu'ils ont vieilli parce que c'est pas ce que j'aurais envie de raconter ou de la manière dont j'aurais envie de raconter aujourd'hui. Oh, et puis le sujet, les sujets que tu vas aborder, que tu tiens à aborder sans tous les moyens. Non. Ouais. Est-ce que ton film est disponible en DVD? Mais non. Enfin, si, j'exagère. Pas disponible en DVD à la FNAC, tu vois, dans un magasin. Mais si on va sur le site du distributeur, ouais, Evadis ouais. Film, on peut le commander. Ok, alors il est disponible. Oui, il est disponible. Ok, voilà. Parfait. Alors, merci, c'est toujours intéressant mais de se voir. Mais oui, c'était super. Il y a très peu de personnes. Eh bien, je t'essaye de te faire signe quand on est au Québec. Oui. Écoute, on y est donc 2 jours et demi. Mais cette année, je n'oublierai pas les photos. Ah oui? Tu te souviens la mais dernière si, fois? Mais si, oui, je me souviens. Attends, non. Là. Ouais, non. Je me suis dit, il ne faut pas jouer. J'avais toujours ça en tête. Les photos. J'ai loupé la dernière fois, j'ai fait un montage avec une photo noire et blanc que t'avais placée, mais c'était pas... C'était moins... moi sur l'instant, moi. Ouais, et puis ça avait l'air truqué, là. Mais là, ça fonctionnera plus comme ça. Je me suis fâché. Alors, on se met dans quel axe? N'importe où. En plus, c'est sombre. Les arbres. Exactement. Ah oui, ok, toi tu penses à l'arrière-plan, ouais. Ah oui. Qu'est-ce qu'on va voir derrière nous? Est-ce que ça va être joli? Oh ben, il risque d'avoir des choses. J'en prends quelques-unes que je choisirai après. Ben, je choisirai. Deux encore? OK. Pour la route? Allez. J'ai dit, on ne loupe pas aujourd'hui. Ouais. Alors, c'est super, merci beaucoup aussi, de m'avoir invité. C'est tellement intéressant, le cinéma. C'est, bah oui. Hein, il y a, c'est un sujet. Un puissant, en fait. Ouais. Voilà. Il y a tellement de monde dans ce film-là que... Ouais. Et puis c'est pas terminé, mais j'ai abandonné. Ben, je vais pas abandonner, mais je vais moins au cinéma. Ben, moi, c'est par manque de temps. Et après aussi... Non, en fait, si tu veux, toutes les semaines, il y a quand même des films que j'ai envie de voir. Mais moins qu'avant. Ah oui? Ouais. Ah, mais... En France, en tout cas, je suis pas partout dans le monde, mais... Mais j'ai tellement de DVD à regarder. Mais tu vois, tout à l'heure, je repense à ta question, tout le monde est en train de se dire au revoir, mais... Non. Romain, moi, j'ai pu le voir en grand écran. OK. Ah oui. Ah ben oui. Donc, OK. Tu vois, tu me disais, moi, je crois qu'il y a encore des films, même Interstellar, c'est quand même mieux de voir ce grand écran. Là, il y a encore des films qu'on a envie de voir sur grand écran, forcément. As-tu vu, il y a quelques années, Solaris? Oui. OK. Ouais. C'est bon, mais la version double DVD, là, la version où ils ont retrouvé les scènes et ça tombe du français au sous-titre. OK, assez merveilleux. Assez merveilleux. Un grand réjouissement. Allez, merci encore. Merci à toi. Puis ça me fait plaisir. Bonne soirée. Je vais vous faire un concert. Oui, des concerts. Mais moi, je fais rien. Moi, je fais juste un capté et m'amuser. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Non, c'est retiré. Merci. Salut. À bientôt. Bye bye. So bad. We'll be right back.